بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau ? الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Qui accablait ton dos ? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et exalté pour toi ta renommée ? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب. Quand tu te libères, donc, lève-toi. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Et à ton Seigneur, aspire.